En fait, je me suis passionné par cet instrument parce que j'ai travaillé dans la dentelle à Calais. Et la dentelle, c'est un peu le même mécanisme. Avec des cartons, les gros hors de barbarie, c'est ça. Donc je me suis dit, j'ai envie de jouer cet instrument parce que ça me rappelle tellement de souvenirs dans la dentelle. Il y avait des entreprises dans chaque coin de la ville. Ça faisait travailler des dizaines de milliers de personnes. On travaillait pour le monde entier. Si on accédait dans le centre-ville, on entendait le bruit des machines partout. Et on a fabriqué pour le monde entier, dont le Japon et les États-Unis. Mais de très très belles choses, du luxe. Magnifique. C'est un beau souvenir aussi. Et là, je continue avec la musique. C'est de la poésie tout ça. Hein. La poésie des belles choses. Je m'aperçois que les gens sont contents. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont arrêtés. Ils m'ont dit, vous nous rendez heureuses. Une belle satisfaction. Et j'ai trouvé un monsieur à Avignon qui me l'a fabriqué, Didier Bougon. Et j'ai trouvé plaisir à jouer. Et je me suis aperçu que j'apportais beaucoup de bonheur aux gens avec cet instrument. À travers la musique et puis les rencontres que je fais. C'est magnifique, quoi. C'est une belle passion et je m'en lasse pas. Et là, on écoute Pierre Bachelet Les Corons, qui nous rappelle notre belle région. Et je fais beaucoup, beaucoup de rencontres et des rencontres magnifiques. Je rentre le soir, je suis très, très heureux, quoi. C'est vrai qu'il faut trouver des passions qui nous rendent la vie belle, en fait. C'était les corons. Au nord, c'était l'horizon. Terre. Je me suis fait très très vite à cet instrument. J'ai l'impression qu'on ne fait qu'un maintenant. Et les gens m'apportent beaucoup à travers leur reconnaissance. Leur appréciation. Apparemment, je suis le seul à faire ça ici, sur la plage. Et Mme le maire, qui habite non loin d'ici, vient me voir régulièrement. Elle me dit que j'égaye la plage. C'est une belle satisfaction aussi. C'est bien, merci beaucoup.